Le porte-parole du Conseil pour la réconciliation nationale a publié le 2 juin une communication du fait que la traîtresse Bakouné, destituée et emprisonnée pour ses crimes ultra-géants, se conduit de façon éhontée au tribunal en reniant complètement ses vices. En voici le résumé. Tous les crimes commis par Bakouné dans la Maison Bleue en pratiquant la politique serviliste pro-américaine, la dictature fasciste et la confrontation fratricide sont à jamais intolérables. En réalité, on n'a pas besoin de jugement et doit la punir sur le champ. Mais jusqu'à l'heure actuelle où elle s'est comparue au tribunal les menottes dans les mains, Bakouné n'a pas encore compris pourquoi tous les milieux sud-coréens ont comblé pendant des mois les places et les rues pour arborer la bougie d'indignation et pourquoi elle a été destituée et emprisonnée et se conduit témérairement. Bakouné qui se conduit de façon éhontée sans éprouver de la moindre culpabilité pour ses crimes ultra-géants est une femme anachronique unique dans le monde. Le problème, c'est que Bakouné se conduit ainsi en comptant sur les conservateurs tels que le Parti de la Corée libre qui protège à tout prix ses crimes. Ces gens qui ont subsisté jusqu'à présent en parasites sous la protection de Bakouné ont pressenti de grandes inquiétudes et angoisses du fait que le jugement de leur boss est justement celui de leur bande des conspirateurs et remue terre et ciel pour empêcher la peine capitale de la traîtresse. Tous ces faits montrent qu'aussi bien pour condamner sévèrement les crimes de Bakouné que pour réaliser le désir et le vœu des habitants sud-coréens manifestés par la bougie, il faut à tout prix condamner à la peine capitale la bande scélérate des criminels.